Les maladies cardiovasculaires sont la cause de mortalité chez les femmes et la seconde chez les hommes, soit 400 jours. Pourtant, la plupart pourraient être évitées en osant prendre la santé de notre cœur en main. Alors participons au Parcours du cœur de la Fédération française de cardiologie. Du 1er avril au 30 juin, les Parcours du cœur sont organisés partout en France pour s'informer, se bouger et donner envie de prendre chaque jour soin de son cœur. Car un cœur qui va, c'est la vie qui bat. Retrouvez les Parcours du cœur sur fedecardio.org. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, diffusé en décembre 2020. Aujourd'hui, premier épisode, l'attente. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. Quand paraissent les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes en 1977, 100 000 exemplaires se vendent en moins d'un an. Comme souvent, le succès de librairies cache ou entraîne une bouderie du côté des intellectuels et des universitaires. Comme si l'amour ne les concernait pas, comme si dire « je », même comme simple instance d'énonciation, court-circuitait immédiatement la réflexion et l'analyse. Dire « je » et parler d'amour, c'est se trouver du côté du sentimentalisme démodé, ou du ridicule, diront les snobs. Ça tombe bien. Le sentimentalisme démodé, nous, on en redemande, même si, comme le dit Barthes lui-même, ça n'est pas le vrai sujet du livre. Le vrai sujet de ce livre, ça n'est pas finalement la description de l'amour, mais c'est une question qui pour moi est beaucoup plus brûlante, c'est, disons, comment supporter d'être amoureux aujourd'hui. Le monde attribue au sujet amoureux deux qualités ou deux mauvaises qualités. La première, c'est souvent d'être bête. Il y a une bêtise de l'amoureux, que lui-même ressent d'ailleurs. Et il y a aussi une folie de l'amoureux. Alors ça, les dictons populaires le disent abondamment. Seulement, c'est une folie sage, n'est-ce pas ? C'est une folie qui n'a pas la gloire de la grande folie transgressive. Bonjour Éric Marty. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes écrivain et professeur de littérature française à l'Université de Paris. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Roland Barthes et vous avez aussi participé à l'édition des œuvres complètes de Roland Barthes en 4 volumes aux éditions du Seuil. Est-ce que vous aussi parlez des fragments d'un discours amoureux vous mettent en joie ? Oui, une joie particulière. C'est pas une joie, disons, c'est pas l'hymne à la joie. Est-ce que vous arrivez à la définir, cette joie ? Ben justement, c'est une joie qui est traversée de, c'est une joie pleine d'épaisseur, pleine de niveaux. Une joie qui est marquée aussi par le dépit, par le remords, par l'envie, par la jalousie de ne pas être amoureux forcément en ce moment. C'est toutes sortes de, c'est aussi nostalgie peut-être, nostalgie du livre. Nostalgie de l'amour, nostalgie. Enfin, c'est une joie mêlée, quoi. Une joie profonde, mêlée, délicate. Une belle joie, au fond, mais pas une joie quelconque. C'est pas la joie. Il y a de la joie. Oui, c'est pas Charles Trenet. Voilà. Quoique, d'ailleurs, les chansons de Charles Trenet, elles aussi sont mélancoliques et mêlées, comme vous dites. Tout à fait. En tout cas, on va passer. Oui, allez-y. Oui, je crois que vous avez eu raison, d'ailleurs, de commencer pour parler de Trenet, là, mais sur le succès, justement, des fragments, et sur son caractère ambigu, et son étrangeté, quand même. Et je pense qu'on peut interpréter ce succès, peut-être, par Baudelaire. Baudelaire qui dit, créer le poncif, c'est le génie, je dois créer un poncif. Baudelaire dit ça à la fin de sa vie et en ce sens, c'est tout le rapport au fond des modernes, car Baudelaire était aussi un moderne, au stéréotype. La première réaction, c'est au fond de haïr le stéréotype, le sens commun, et de lui opposer la terreur du langage, le terrorisme des mots. Et on pourrait dire peut-être que Flaubert est le premier qui parvient à retourner le terrorisme qui l'habite par rapport au sens commun, par rapport à la bêtise, justement le retourner et produire un poncif au sens de Baudelaire, avec Madame Bovary. Mmh. Ça sera le seul d'ailleurs. Et on pourrait dire que malgré les énormes différences, Barthes est le premier moderne à produire un poncif moderne, à sublimer le sens commun amoureux, le sens commun du sujet amoureux, sa bêtise, et dans ses plus extrêmes platitudes. Et cette bêtise, on l'a entendu d'ailleurs, Barthes en est conscient, et quand il décrit l'amoureux, parfois il le décrit de manière extrêmement ironique, hein, quand il se compare lui-même d'ailleurs à un très mauvais ténor, oui, planté sur la scène de l'opéra en train de chanter comme un animal obscène et stupide. Hein. Eh bien, ce qui est très fort et je crois très important dans l'histoire de la modernité, c'est ce moment, 1977, ce moment où la modernité est, disons, un petit peu en crise, où Barthes parvient finalement à trouver une issue à cette crise, une issue qui soit pas justement une énième rethéorisation, mais qu'il parvient, disons, à produire, oui, un poncif moderne. Et en ce sens, il est à la fois, disons, baudelairien et flaubertien, peut-être. Et en tout cas, c'est par l'écriture qu'il y parvient, parce que l'écriture, justement, est ce qui permet de sublimer, évidemment, la bêtise, et lui donner sa folie, sa dimension, son acuité, en quelque sorte. Vous employez le mot de poncif. Il faut préciser dès à présent que les fragments d'un discours amoureux, je l'ai dit, paraissent en 1977. C'est bien après les autres textes de Barthes qui restent connus aujourd'hui, notamment les mythologies. Barthes s'intéresse à ce qui, dans la société, a l'air justement d'être soit inintéressant, soit banal, soit être un lieu commun, un poncif, justement, pour essayer de voir comment ce qu'on appelle un poncif serait finalement une sorte de signe que l'on peut décoder, apprendre à décrypter, comme autant de langage que la société elle-même nous renverrait sans le vouloir. Au fond, les fragments s'inscrivent dans cette croyance-là en l'importance des signes. Tout à fait. Et simplement, c'est une mythologie heureuse. Une mythologie profonde. Disons, alors que dans les mythologies, Barthes s'en prépare souvent, parfois d'ailleurs, à réduire, parfois méchamment, les stéréotypes sociaux, que ça soit l'abbé Pierre, que ça soit, enfin bon, toutes sortes d'éléments du sens commun. Eh bien, cette position critique par rapport au monde, Barthes a compris au fond qu'elle était aussi une impasse et que l'intellectuel ne pouvait pas se placer dans cette position de surplomb, où il décodait les choses, où il les décortiquait, les décryptait, et finalement trouvait là une satisfaction d'orgueil de savoir penser le monde. Il absorbe le monde cette fois-ci, il absorbe le monde en lui, il absorbe le monde, le sens commun en lui, et le reproduit sous une forme justement d'intelligence, de poésie aussi. Et c'est ça qui modifie au fond, qui fait que Barthes n'est plus le Barthes des mythologies, qu'il est un Barthes toujours sensible aux signes, mais qui n'est plus, disons, l'intellectuel castrateur, si on peut dire, l'intellectuel méchant, avec un surmoi théorique terrorisant, qui est, disons, l'intellectuel des années 50-60. Alors, un mot avant d'entrer dans le texte, et on va commencer avec les fragments sur l'attente, un mot sur la forme de ces fragments. Ils portent bien leur nom, puisqu'en effet, ce sont des très courts textes, classés par thème, qui sont eux-mêmes classés par ordre alphabétique. On sent qu'il y a un grand soin accordé à la forme, qui semble contraster avec le contenu, au fond, car rien n'est moins ordonné et classifiable que le sentiment amoureux. Oui, alors le non classifiable, il apparaît par le discontinu, par la discontinuité, parce que au fond, les fragments sont extraordinairement ordonnés avec ce qu'on pourrait appeler un dispositif. Hein. C'est à ce moment-là que le concept de dispositif apparaît dans les années 70, c'est-à-dire au fond que ces systèmes formels finalement prennent le pas sur ce qui d'ordinaire ordonne un livre, que ça soit un essai, l'argumentation, un roman, la narration. Là, des systèmes formels prennent le pas au fond sur le contenu. Et on pourrait dire que on retrouve là au fond peut-être aussi le passé structuraliste entre guillemets de Barthes, mais un structuralisme qui est aussi un formalisme. Au fond, vous savez, Lévi-Strauss, dans son espèce de dureté aussi, de cérébralité un peu froide, a dédaigneusement opposé formalisme et structuralisme, ce que Jacobson, lui, ne faisait pas. Et Barthes est précisément un structuraliste formaliste, c'est-à-dire qui est capable de pervertir la structure, en quelque sorte, par le jeu des formes. Et, par exemple, l'ordre alphabétique est extraordinairement complexe, parce qu'en fait, Barthes triche. Avec cet alphabet, d'abord, il y a la tricherie entre ce qu'il appelle l'enseigne, c'est-à-dire le gros titre qui est donné au fragment, qui est souvent une sorte de bout de phrase ou de, et puis le nom, la figure, hein. Là, dans notre cas, avec l'attente, ça, il n'y a pas de différence, mais parfois, il y a des différences. Oui. Par exemple, la figure altération, qui est tout au début, a comme enseigne un petit point du nez. C'est-à-dire, en fait, ici, Barthes fait allusion au au petit point qui, sur le nez, qui va altérer l'image de l'autre et qui va la corrompre. Donc, il y a tout ce jeu entre enseigne, nom de la figure, entre les marginalia, qui est sur la page, sur la marge de gauche qu'il y a, entre les, comment, le bas de page. Bref, il y a tout un jeu d'aération de la structure, de perversion de la structure, peut-être, de détournement de la structure. Au fond, la fonctionnalité logique de la structure est déjouée et Barthes triche. Barthes triche et s'amuse à produire, au fond, inspiré par le formalisme esthétique, oui, à produire en effet un dispositif très, très, à la fois très complexe, mais qui maintient malgré tout le désordre, précisément, de la parole amoureuse. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit « Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé, au gré de menu retard, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical de Schoenberg intitulé « Attente », une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone. Mais c'est la même angoisse. Tout est solennel. Je n'ai pas le sens des proportions. Hier hinein, man sieht den Weg nicht. Les considérations techniques et formalistes peuvent effrayer. Sachez que le texte lui-même a quelque chose d'absolument bouleversant parce qu'il semble mettre des mots sur ce que nous n'arrivons pas à nommer, nous autres sujets amoureux. Je mets au défi quiconque de lire n'importe quel paragraphe et de pas s'identifier à ce que dit Barthes. Ce que nous sommes en train d'écouter, Eric Marty, c'est exactement ce qu'a écrit Barthes, au fond, puisqu'on a le fragment sur l'attente et... En marge, à gauche, il y a écrit Schoenberg, et c'est cet opéra que nous sommes en train d'écouter, L'angoisse de l'attente, Erwartung. Hein, on a cette l'attente d'une femme pour son aimé, seule, dans une forêt, la nuit, qui décrit exactement l'angoisse que ressent le narrateur, au sujet, lui, d'un coup de téléphone. Oui, et alors c'est là où Schoenberg est très barthésien, ou Barthes schoenbergien, puisque, comme vous le disiez, au fond, c'est très formel, la musique de Schoenberg, elle est très formelle, et c'est presque la musique sérielle, mais... Elle est matinée d'expressionnisme, de l'expressionnisme viennois qui domine à ce moment-là, puisque Schoenberg écrit ça en 1909. Hein, c'est pas encore le dodécaphonisme, c'est pas encore complètement la musique, je dirais, très très intellectuelle de Schoenberg. Et donc c'est vraiment barthésien parce qu'il y a ce côté très moderne, je dirais, de la forme, en effet, extrêmement distendu, avec quelque chose de tonalité à la fois atonale, et puis cette discontinuité des sons, hein, l'instant musical, et puis en même temps, il y a ce monologue angoissé, tumultueux de la femme, hein, qui en effet est assez romantique, puisqu'elle se situe dans la forêt, qu'elle est à la recherche de son amant, et il y a quelque chose à ce niveau-là de très beau et de très. Je suis content au fond d'avoir qu'on écoute Schoenberg et qu'on parle de Schoenberg, parce que on inscrit Barthes comme dans ses goûts musicaux comme quelqu'un d'un petit peu passéiste. Le piano bourgeois, le salon, c'est comme ça que Bourdieu, de manière assez méchante d'ailleurs dans la distinction, fiche Barthes dans le manière très binaire, dans une position un peu de mélodie de fin de siècle. Eh bien non, voilà, non, il y a Schoenberg, il y a Webern, il y a Berg dans toute la pensée de Barthes, et c'est important de voir ça. Parce que ce formalisme-là de la musique de Vienne, elle est très profonde, elle est très émotive, elle est très marquée d'émotion. Je me rappelle avoir emmené Barthes voir Wozzeck à l'opéra, Wozzeck de Berg, et Wozzeck, c'est vraiment, c'est une magnifique mise en scène de Ronconi, et Wozzeck, c'est typiquement une musique incroyablement sophistiquée, mais une émotion absolue, et en effet, Barthes, c'est ça, c'est une capacité, justement, comme vous le disiez, à produire des systèmes très complexes, très sophistiqués, très, très beaux, et en même temps d'y manifester une émotion. Ah oui, qui est vraiment palpable dans tous ces fragments. Vous disiez que vous aviez emmené Barthes à l'opéra, vous avez suivi ses cours. Oui, oui. Ah oui, on était très amis, on était très proches. Donc, on allait très souvent au concert, y compris donc voir assister à des concerts de musique de chambre, en effet, mais aussi, on était allé voir donc Wozzeck, qui est un opéra prodigieux, d'une très grande violence et d'une grande intensité, et Barthes aimait beaucoup précisément cette musique-là. Mais Erwartung, si je peux me permettre, c'est aussi un mot qui me fait penser à Heidegger, parce que, vous savez, dans Être et Temps, Heidegger précisément prend ce mot, Erwartung, et il parle de l'attente, justement, de manière très belle, et je trouve très qui permet de comprendre peut-être le sujet amoureux, parce qu'il oppose au fond l'attente inauthentique de celui qui attend quelque chose, l'accessible, le disponible, et puis qui est à la portée de la main, qui est une volonté calculatrice, et puis de l'autre, l'attente comme perte. Mm-hmm. Et qu'a pour l'amoureux, au fond, la proximité de la délivrance, comme possibilité, est aussi éloignée que possible d'un fait. Ça peut pas être un fait, c'est quelque chose comme une possibilité de l'impossibilité, en quelque sorte, comme le dit Heidegger. Et donc, il y a dans l'analyse que fait Heidegger de l'attente, quelque chose de très barthésien là aussi, puisque l'attente devient une sorte de thème qui ne connaît plus aucune mesure. C'est ce que dit Barthes lui-même, je n'ai pas le sens des proportions. Ouais. Et Heidegger lui dit, eh bien, c'est une possibilité qui connaît aucune mesure. Eh bien, on retrouve cette même dimension là phénoménologique de Barthes, je trouve. Parce qu'on a parlé du structuralisme, on a parlé du formalisme, mais si l'amoureux, lui, s'identifie de manière très spontanée, très fraîche, très innocente à cette femme qui attend dans la forêt, on entend malgré tout derrière une pensée de l'attente, une pensée très profonde de ce qu'est attendre, et où, en effet, l'attente est là comme débouché au fond l'instant pur, et comme cette musique de Schoenberg d'ailleurs le met en scène. C'est plus qu'une douleur, c'est un mélange de deuil et d'angoisse, ou plutôt d'angoisse et de deuil. C'est un état extrêmement difficile et dur à supporter, l'attente, attendre l'être aimé. Oui. Et je ne sais pas si c'est de vous, mais vous citez ça. Vous dites, suis-je amoureux ? Réponse, oui, puisque j'attends l'autre. Oui, c'est de moi, enfin de moi, de mon sujet amoureux. Ah oui. Oui. Donc, oui, il me semble que le fait d'attendre peut définir l'amoureux, disons. Si on voulait réduire toutes les définitions possibles du sujet amoureux, on arriverait à cette définition ultime, il est celui qui attend. Et je reverserai même la définition en disant que chaque fois qu'on attend sans être amoureux, c'est qu'il y a en soi un petit état amoureux. Je dirais que ce qu'on appelle, enfin, dans le jargon, un état transférentiel. Attendre, c'est transférer d'une certaine façon. C'était la voix donc de Roland Barthes dans l'émission Apostrophe. Vous avez aussi entendu la question de Bernard Pivot en 1977. On va entendre plusieurs extraits de cette émission parce qu'elle est, c'est vraiment celle où Barthes parle des fragments d'un discours amoureux et il identifie ici l'état amoureux à celui de l'attente. C'est-à-dire que parmi tous les thèmes qui sont abordés au sein de ces fragments, c'est finalement l'attente qui définit le mieux ce qu'est l'amour, Éric Marty? Oui, en tout cas, c'est l'un des fragments que je préfère, enfin, que je relis avec le plus d'intérêt, avec une forme de, il y a une saveur, parce que c'est aussi un, en effet, vous le disiez, c'est un fragment dans lequel on se projette immédiatement. Ah oui. Et c'est ça le poncif, justement, c'est ça le génie du poncif barthésien, baudelairien, flaubertien, c'est de produire justement cette espèce de situation extrêmement projective. Car au fond, effectivement, l'attente, c'est à la fois une situation de l'amoureux, mais c'est aussi un universel. C'est vraiment, pour reprendre l'expression de Sartre, une sorte d'universel singulier, une sorte de singularité, mais qui est pas limitée au fond, finalement, à sa facticité, à son état, à sa situation, qui va au-delà d'elle-même. Et l'amoureux, en effet, c'est un grand métaphysicien, en ce sens, où c'est un sujet merveilleusement intelligent et profond, parce que dans ce qu'il vit, dans les vécus qu'il explore toute la situation humaine, il explore des états profonds, des états limites de la situation humaine, et Barthes a raison de dire qu'au fond, c'est l'attente qui me définit comme sujet amoureux, parce que là, en quelque sorte, le sujet amoureux dépasse sa propre situation, dépasse le niveau psychologique, en quelque sorte, auquel on le réduit, pour atteindre à une forme d'intensité de l'existence, du vécu. Mmh. Et je crois qu'il n'y a pas de vie. L'amoureux, au fond, a une vie. Alors là encore, j'ai employé un mot savant, mais j'en m'en excuse. C'est une sorte d'égologie, c'est-à-dire il y a une sorte de d'expérience de l'ego, une expérience de l'ego, de la vie propre de l'ego, une vie intense de l'ego qui, par la situation amoureuse. Et l'attente est l'une de ces données de la ce qu'on pourrait appeler de l'égologie, de la situation de l'ego et du vécu de l'ego qui est vraiment très fort parce que le sujet amoureux, il vit sa vie concrète comme une vie perpétuellement constituante de lui-même. C'est-à-dire que cette vie concrète qu'il vit, comme une attente par exemple, c'est une chose très concrète, très banale, devient constitutive de sa subjectivité. Et c'est ça qui est à la fois magnifique et terrible. En effet, Barthes a raison d'insister sur la douleur du sujet amoureux. Mais c'est un sujet qui souffre dans les fragments. Voilà, le sujet amoureux est vraiment un sujet en souffrance chez lui. Exactement, et tout à fait. C'est un sujet qui souffre, mais dont la souffrance n'est jamais entièrement vaine, en tout cas jamais entièrement stérile. Elle est productrice de sens, d'un sens magnifique aussi, qui est précisément cette pureté aussi du vécu, par le fait que le sujet amoureux est abrité du monde. Là, il est, par exemple, dans un café, hein, il y a une scène dans un café. Bon, ben, voilà, le monde ambiant disparaît dans la production de l'attente, qui devient le monde même de l'amoureux. Oui. Mais vous parlez du sujet et de l'ego, mais on a l'impression aussi, quand on lit les fragments, que le sujet lui-même se dissout dans cette attente et dans cet amour. Finalement, il y a quelque chose... Il dit « je », le narrateur, l'instance d'énonciation, en tout cas, était la première personne du singulier. On s'identifie immédiatement, mais il y a comme une désubjectivation. Il n'y a plus de sujet, il n'y a qu'un sujet amoureux, au fond. Oui, alors on pourrait dire que comme sujet naturel, comme sujet ordinaire, il disparaît, comme sujet substance, en quelque sorte, disparaît. Mais en même temps... il est, son ego est en quelque sorte le lieu d'un travail extraordinaire de la subjectivité, mais d'une subjectivité qui lui appartient pas, qui appartient à sa situation. C'est sa situation d'amoureux qui fait sa subjectivité et qu'il vit en effet les choses, non pas sur un mode, je dirais, mécanique de détermination, mais sur un mode d'une subjectivité qui ne lui appartient pas, qui est une sorte d'autre en lui-même, qui est l'autre, finalement, en lui-même, qui est le sujet amoureux, auquel il est aliéné. Alors, en effet, le sujet disparaît, vous avez raison, mais il réapparaît sous une forme particulière, d'un sujet particularisé, qui est le sujet amoureux, et avec une vie, une sorte de monologue intérieur qui le dépasse, qui parle pour lui, une sorte de ritournelle qui s'installe en lui, une sorte de marmonnement, de bout de phrase, et qui fait que, il accède en effet à une situation ou à une forme d'extase, extase douloureuse mais extase tout de même, qui le place à ce moment-là dans un lieu, dans un foyer particulier de subjectivité. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaye de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard. Mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». S'il vous plaît, monsieur Jim. Non, Jim tout court. Jim tout court. Je désire avoir un entretien avec vous et vous demander un conseil. Voulez-vous m'attendre demain à 7h dans la première salle de notre café ? Oui. Catherine veut vous parler. Entendu, j'y serai à 7h. Merci. Jim était arrivé en retard au café, comme souvent par optimisme. Il était mécontent de lui et craignait de n'être pas le premier au rendez-vous. Jim pensait, une fille comme elle peut parfaitement être venue et repartie à 7h01, ne me trouvant pas. Une femme comme elle peut avoir traversé rapidement cette salle sans m'apercevoir derrière mon journal et avoir filé illico. Il se répéta, une femme comme elle... Mais comment est-elle donc ? Et pour la première fois, il se mit à penser à Catherine directement. Garçon ! Ça vient, ça vient. Un autre café, s'il vous plaît. Allô? Allô, Jim? Je vous réveille? Nous partons dans mon pays, Catherine et moi, pour nous marier. Bravo, Jules. Vous m'excuserez auprès de Catherine, je suis arrivé en retard à notre rendez-vous. J'ai attendu jusqu'à 8h moins 10. Elle est plus optimiste que vous sur la question du temps. Elle était chez le coiffeur. Elle a dû arriver au café à 8h pour dîner avec vous. Ah, si j'avais pu supposer qu'elle pût encore venir, j'aurais attendu jusqu'à minuit. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et Jules et Jim, vous aurez reconnu le film évidemment de Truffaut et cette bande originale qu'on reconnaît entre toutes pour illustrer les fragments d'un discours amoureux dont nous parlons cette semaine de Roland Barthes, aujourd'hui en compagnie d'Éric Marty. Et le fragment numéro 5 dans le chapitre sur l'attente, suis-je amoureux ? Oui, parce que j'attends, puisque j'attends, est illustré donc par cet extrait du film où on voit bien, on est exactement dans le décor barthésien, dans la mesure où, un, on est dans un café, deux, oui. Et ben, il y a un coup de téléphone, Éric Marty. Finalement, chez Barthes, celui qui attend, il attend presque toujours dans un café et il angoisse à l'idée de ne pas recevoir d'appel. Oui, alors le café, c'est à la fois un lieu, puisqu'on parle de phénoménologie, c'est un lieu typique, ça paraît dans l'être et le néant de Sartre, comme lieu d'expérience, justement, de l'existence, mais c'est aussi un lieu très banal, du poncif, justement, romanesque, ou du poncif cinématographique, avec Jules et J. Mais j'étais très, très, très amusé par le fait que la raison pour laquelle la femme n'est pas là, c'est qu'elle est chez le coiffeur. Ouais. C'est-à-dire que, donc, l'autre attend. Et alors, quand on attend, en fait, on se demande, en effet, on a du beaucoup de mal d'imaginer ce que fait l'autre. Et c'est souvent précisément parce qu'il ne fait pas grand-chose ou rien, ou qu'il n'est pas là, qu'il est en retard. Il y a toujours quelque chose de très troublant dans l'attente, c'est finalement on attend l'autre, mais l'autre n'est pas là, pas pour des motifs grandioses, maléfiques, terribles, romanesques. Il n'est pas là de façon insignifiante parfois, et le fait que la jeune femme soit chez le coiffeur est très, pour moi, très symptomatique au fond. De la naïveté du sujet amoureux qui attend et qui produit une fantasmagorie extraordinaire, oui, de supputation et qui est souvent l'autre n'est pas là parce que bon, tout bêtement elle était chez le coiffeur. Oui, et mais ça c'est très beau, c'est très très beau comme sur le plan du scénario de Jules et Jim. Ce qui montre que l'attente de celui qui aime est presque toujours une défaite. Celui qui attente, c'est celui qui aime plus puisqu'il est déjà là. Et l'autre qui n'est pas encore là aime moins puisqu'il n'est pas encore arrivé. Exactement. Alors c'est un fragment, je trouve, un peu ambigu dans cette histoire, parce que l'autre revient, mais sous la forme d'une rivalité, hein, puisque l'autre, c'est celui qui n'attend pas, et le sujet amoureux joue à celui qui n'attend pas, il essaie d'arriver en retard, mais au fond, il perd. Et donc, on sent déjà peut-être quelque chose d'un peu très singulier dans les formes d'un discours amoureux, c'est une sorte de rivalité entre le sujet amoureux et l'être aimé. Enfin, quelque chose des, il n'y a jamais union, au fond. Dans les fragments d'un discours amoureux, il n'y a jamais de moment, comme dans un roman d'amour, finalement, où il y aurait rencontre, il y aurait fusion, il y aurait union. Cette chose-là est évoquée de manière parfois, mais de manière très très brève et presque marginale. Mm-hmm. Et là, dans ce fragment-là, on voit bien combien la relation à autrui est très très singulière pour Barthes. Elle est vraiment, il y a une sorte de pessimisme quand même, vous parlez de défaite, oui. Je crois que c'est un terme qui est tout à fait juste. Et dans cette espèce de champ de travail où l'ego se tient et fabrique des tas de choses, en effet, c'est un champ de bataille où il est toujours face dans une sorte de retraite ou de défaite ou de défaite annoncée, en quelque sorte, de bataille qui n'a jamais lieu, mais qui, dont la défaite est annoncée par avance. Mais cette idée de l'être amoureux, et non pas de l'être aimé, de l'être amoureux, oui, qui souffre et qui est du côté de la défaite, je l'ai dit, elle traverse tous les fragments. Il y a presque l'impossibilité de dépasser la souffrance dans l'amour, c'est-à-dire que l'amour n'est pas du tout synonyme ni de joie, ni de bonheur, ni de paix, mais il y a quelque chose de l'ordre de la douleur qui renvoie peut-être à la douleur du travail, du texte de celui qui écrit, puisque Barthes va quand même relier les deux en permanence. L'amour est une jouissance, l'écriture est une jouissance, mais les deux sont un travail douloureux qui prend du temps et qui n'apporte pas toujours une satisfaction. Tout à fait. Alors, il y a donc justement dans l'attente, il y a un fragment qui illustre très bien ce que vous dites, où c'est même peut-être pire, où la relation amoureuse apparaît comme une forme de torture, hein, en quelque sorte. Hein. C'est le 3. Hein. L'attente est un enchantement. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. Mmh. Hein. Et à ce moment-là, le Barthes décrit de manière très, très, très, très belle, d'ailleurs, cette position de ne pas avoir le droit de bouger. Et j'aime vraiment beaucoup ce fragment, d'abord parce que il commence par un octosyllabe magnifique. L'attente est un enchantement. Et avec ces allitérations, ce rythme de la phrase. Et il y a quelque chose, au fond, le mot enchantement est, pour moi, est vraiment symptomatique de ce que vous avez noté. C'est-à-dire, enchantement au sens d'être soumis à une sorte de magie. Et puis, un enchantement, une sorte d'hypnose, en quelque sorte, on est. Et puis, enchantement, mais au sens de plaisir de cet assujettissement, en quelque sorte. Et je peux pas m'empêcher de penser à, quand je vois cette phrase, là, j'ai reçu l'ordre de ne pas bouger, à un texte de Barthes sur Histoire d'eau, le grand texte érotique masochiste de Pauline Réage. Il lui commente avec la mise en dessin par Guido Crépax, et le titre de son article, c'est J'écoute et j'obéis. Et tout le discours, hein, si je me permets de lire le début, hein, c'est « J'écoute et j'obéis », dit à tout propos chacun des personnages subalternes, esclaves et djinns qui peuplent les mille et une nuits. C'est aussi ce que dit O. Elle ne dit même que cela. Et cette réponse obstinée que Guido Crépax a dû varier en 160 images. Un seul signifié, en somme, mais des dizaines de signifiants. Voici de nouveau la métaphore, la grande, l'unique, celle qui dit inlassablement « je t'aime ». Et fonde ainsi le discours lyrique. Donc j'écoute, j'obéis, ou j'ai reçu l'ordre de pas bouger, c'est au fond le je t'aime. En tout cas, si on rapporte le texte sur Histoire d'eau au fond d'un discours amoureux, et c'est vraiment une torture, une sorte de torture étrange, parce qu'il y a une sorte de masochisme au fond, peut-être, du sujet amoureux. C'est en tout cas ce que laisse entendre cette souffrance dont vous parlez. Mmh. Et une sorte de masochisme qui n'est pas un masochisme pervers, c'est un masochisme, je dirais, intérieur, une sorte d'état de faiblesse extrême du sujet amoureux, qui accepte bien des humiliations, bien des commandements, bien des souffrances, avec une forme d'asservissement, de soumission, en quelque sorte, qui est à la fois terrible, qui est d'une grande dureté, mais qui est peut-être aussi son désir. Et qui peut provoquer chez le lecteur, on parlera du fragment « Je t'aime » demain, on aura 50 minutes pour en parler, mais ce que vous dites là, ce masochisme, le terme peut effrayer, mais au fond, on peut le comprendre quand on voit qu'à la lecture des fragments, l'identification, qui surgit quasiment immédiatement, provoque une forme de honte. En fait, on se dit « Mais oh, je suis dans la position de ce que Barthes est en train de décrire et je ne m'étais jamais vu à travers ses yeux, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est pathétique !» Ce que Barthes assume pleinement d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose de voilà, et c'est pour ça qu'on pleure d'ailleurs quand on est amoureux et qu'on a des situations, des émotions tout à fait extraordinaires et très rares finalement qu'on rejette dans la vie ordinaire en quelque sorte, qui sont des moments très particuliers. Et c'est pour ça que Barthes a vraiment raison de parler de la solitude du sujet amoureux. Parce que son discours, en effet, n'est soutenu par aucun discours. Ça, il le dit tout de suite. C'est la première page, l'exergue. Tout à fait. La nécessité de ce livre tient dans la considération suivante, que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Voilà. Alors, on peut peut-être aussi quand même renverser un peu la chose en disant que s'il est aussi un monstre, le sujet amoureux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à la fois, souffre de suggestions, d'asservissement, de toutes sortes de larmes, d'humiliation, de l'incorrection de l'autre, de son égoïsme, tout ça. Et en même temps, il est un peu monstrueux parce que au fond, il est tyrannique aussi. Il est tyrannique et à un moment, Barthes compare l'amoureux au bébé qui tète sa mère, hein, et tel le sein de la mère pour le nourrisson, etc. Et on pourrait dire que voilà, le nourrisson, c'est aussi l'innocence, Mais en même temps, c'est un petit monstre, le bébé qui tête sa mère. C'est aussi ça. C'est donc celui qui a le plus besoin d'autrui, l'amoureux ou le bébé, est en même temps un être finalement sans autrui. C'est-à-dire qu'il considère l'autre un petit peu comme quelque chose qui lui est dû. Et s'il souffre, c'est par sa folie aussi, par sa folie hallucinatrice. Et il y a quelque chose de troublant là-dedans. C'est-à-dire que donc ce masochisme, cette faiblesse du sujet amoureux, dissimule, je crois, une grande dureté aussi de ce sujet amoureux. Enfin, une grande compassion. Il est très compact. Parce qu'il est complètement concentré sur son désir, concentré sur ses sentiments. Donc, il a une sorte de densité d'existence, une sorte de compacité même qui le rend aussi un peu terrible. Et c'est pour ça, je nuancerais. Enfin, il y a ce masochisme là, dont on vient parler, qui est vraiment très très fort et qui est vraiment l'apparence même du sujet amoureux, mais c'est aussi un sujet qui est un peu terrible. Et si on va pas trop vite, il y a quand même le dernier fragment. Mais attendez, on va d'abord écouter celui dont vous venez de parler quand même. C'est le plaisir aussi de cette émission, non ? Allez-y. Le voici. L'être que j'attends n'est pas réel. Tel le sein de la mère pour le nourrisson, je le crée et je le recrée sans cesse à partir de ma capacité d'aimer, à partir du besoin que j'ai de lui. L'autre vient là où je l'attends, là où je l'ai déjà créé. Et s'il ne vient pas, je l'hallucine. L'attente est un délire. Encore le téléphone. À chaque sonnerie, je décroche en hâte. Je crois que c'est l'être aimé qui m'appelle, puisqu'il doit m'appeler. Un effort de plus, et je reconnais sa voix. J'engage le dialogue, quitte à me retourner avec colère contre l'importun qui me réveille de mon délire. Au café, toute personne qui entre, sur la moindre vraisemblance de silhouette, est de la sorte, dans un premier mouvement, reconnue. Et, longtemps après que la relation amoureuse s'est apaisée, je garde l'habitude d'halluciner l'être que j'ai aimé. Parfois, je m'angoisse encore d'un téléphone qui tarde, et à chaque importun, je crois reconnaître la voix que j'aimais. Je suis un mutilé qui continue d'avoir mal à sa jambe amputée. J'avais jamais compris pourquoi Marianne avait choisi mon frère Paul plutôt qu'Abel. Je l'aimais bien, mon frère, même s'il m'avait toujours traité en petite fille. Mais pour moi, quand j'avais 13, 14 ans, Abel était l'homme le plus désirable du monde. Je le guettais partout, à toutes les heures de la journée. Sa coiffure, le son de sa voix, sa manière de marcher, tout chez lui me touchait. Et je connaissais tous les détails de son emploi du temps. Bien sûr, il faisait pas attention à moi, il me regardait même pas. Quand je mettais mes plus belles robes et que je me faisais belle, pour lui j'étais juste une gamine, je comptais pas. Mais moi je pensais qu'à lui. Et j'étais malheureuse d'être trop petite. J'avais fait des photos de lui, en cachette. Et je les regardais chaque soir, sous mes draps. Il m'accompagnait partout. En cours, à la piscine, à la danse. J'avais l'impression qu'on vivait un peu ensemble. Je me souviens, un jour où il avait laissé sa voiture ouverte, j'ai ouvert la portière. Et j'ai fait une photo de moi dans sa voiture. Comme si j'étais assise à côté de lui et qu'il m'emmenait quelque part. Je nous imaginais partir à Venise, en voyage de noces. De Roland Barthes à Louis Garrel, c'est un extrait de L'Homme fidèle, le film de Louis Garrel sorti en 2018 que vous venez d'entendre avec le personnage d'Ève, Lily Rose Depp, qui raconte comment elle attend et fantasme et hallucine ce personnage qui s'appelle Abel, qui existe plus d'ailleurs quand elle l'attend que quand il est vraiment là. Ce qui me laisse penser, Eric Marty, on a entendu l'extrait de Jules Légim et puis on entendra beaucoup aujourd'hui tout au long de cette semaine, que la manière qu'a Barthes de décrire le sentiment amoureux et surtout de celui qui attend est particulièrement cinématographique. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors il y a d'abord une importance des lieux très très très forte et donc des cadres en quelque sorte. Il y a aussi quelque chose dans la fragmentation même de l'écriture, quelque chose aussi de très cinématographique parce que ce sont des plans. Enfin, on pourrait effectivement voir les fragments comme des plans, comme des plans. Et donc l'organisation même du texte, si vous voulez, n'a pas cette espèce de continuité ou d'étendue du romanesque, du roman par exemple, mais c'est un montage. C'est un montage, ce sont des plans d'un côté, c'est un montage de l'autre. Et en effet, donc les pages des Formes amoureuses peuvent être tout à fait lues d'un point de vue... comme un scénario. Comme un scénario, tout à fait. Mais lui n'en parle pas, il ne parle pas de film, il parle d'opéra, il parle de littérature, mais pas de cinéma dans ses fragments. Non, il y a juste Buñuel à un moment qui est cité, ouais, de manière complètement périphérique. Je crois que voilà, Barthes avait un rapport très particulier au cinéma. Lui préférait la photo, il pensait que la photo était était un art plus juste, plus adapté à sa propre sensibilité que le cinéma. Mais en réalité, non. En réalité, non. C'est profondément cinématographique, en effet, par le système de montage choisi par Barthes, comme par le système des plans. Et puis, il y a aussi cette polyphonie des voix, parce que là, on a entendu une voix de femme, et c'est aussi ça qui est aussi très, très, très fort dans les fragments d'Escomoreux, c'est l'espèce d'indifférenciation des sexes ou des genres, comme on dit maintenant, parce qu'au fond, il y a des situations où la différence sexuelle disparaît. L'attente, par exemple, ce sont des situations où, bon, non seulement le sujet disparaît, comme vous l'avez dit, hein, mais précisément, si le sujet disparaît, aussi la différence sexuelle disparaît avec le sujet, et où la situation, en quelque sorte, dérègle la différence des genres par sa puissance même de situation. Et en effet, celui qui attend, celui, celle qui attend, c'est un être qui attend, et à cet être qui attend, il n'est ni mâle, ni femelle, ni homme, ni femme, il est l'attente même. Et en ce sens, c'est ça qui est aussi... pour moi, très important dans les fragments amoureux, c'est cette capacité qu'a eu Barthes à obtenir une voix, ou obtenir en tout cas un texte dans lequel la lectrice, comme le lecteur, pouvait tout à fait se projeter sans penser « tiens, je lis le livre d'un homme, oui. Tiens, je lis l'écriture masculine ». Non, il n'y a absolument pas cette dimension. Ni hétérosexuel ou homosexuel d'ailleurs. Exactement, parfaitement, c'est ça. Parce que ce qui est très important, c'est en effet la suspension des différences sexuelles ou différences des genres, mais aussi... la sexualité, comme une sexualité d'objet, où l'objet de la sexualité est absolument suspendu pour une érotique, en quelque sorte, où l'objet n'est pas déterminant de cette érotique. Oui, la contrepartie, c'est qu'il y a très peu de sexualité. Il emploie le mot phallus, voilà, mais comme une fonction, comme un signe, mais c'est pas sexuel comme texte. Non, il y a un érotisme, par contre. Voilà. Il y a un érotisme du sujet amoureux, il y a une sensibilité, il y a une sensualité, une incroyable sensibilité du sujet amoureux. Son corps, sa peau, ses yeux sont hypersensibles. Ce sont des lieux d'hypersensibilité, mais le phallus, le génital n'est pas là. C'est ça qui est très beau, c'est qu'il y a une sexualité sans génitalité. Ou frustrant. Alors, frustrant, et c'est pour ça qu'on peut aussi ne pas aimer les Formes amoureuses, parce que précisément il y a cette absence. Mais je crois que cette absence est absolument nécessaire. Que le génital soit absent, la sexualité est entièrement, je dirais, projetée sur le corps comme totalité, sur le sentimental, hein, c'est-à-dire le sentimental et sensuel. Et à un moment, d'ailleurs, Barthes dit, nous deux, oui, l'hebdomadaire Nous deux, ça n'existe plus, c'était une revue de romans photos sentimentaux, hein. Nous deux est plus obscène que Sade, au fond, avec le sujet amoureux. Et il y a en effet une forme de sensualité excessive, presque. Est-ce que c'est ça qu'on lui a reproché? Je disais en tout début d'émission que l'accueil des fragments d'un discours amoureux avait été assez glacial du côté des intellectuels et des universitaires au nom d'un sentimentalisme. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre? Je crois que les années 77, alors là, c'est vraiment un problème très, très complexe, hein. C'est vraiment une période de grande tension au sein de l'intelligentsia. Tout le monde, au fond, se tire dans les pattes sans vraiment le dire. Si on prend la volonté de savoir de Foucault, qui part en 76, c'est une démolition en règle et de Lacan et de Deleuze. L'anti-Oedipe, qui est paru un petit peu avant, pareil, il y a beaucoup de règlements de compte et chacun reprend ses billes, au fond. Il y a une sorte de grand mouvement d'unanimité où la théorie était en quelque sorte espèce de, voilà, de ciment qui crée un phénomène générationnel. Je crois qu'à partir des années 60, début des années 70, enfin, oui, milieu des années 70, il y a une sorte de décomposition du champ intellectuel et au fond. Donc c'est pas propre à Barthes ou à ce texte, en fait? Non, je crois, enfin, alors le prétexte, évidemment, le prétexte, c'est le sentimentalisme, c'est-à-dire que, je crois qu'ils ne comprennent, ils comprennent pas du tout. Vraiment un discours amoureux, mais c'est un prétexte. Au fond, je crois qu'il y a à ce moment-là une sorte de dissociation du champ intellectuel, avec une forme de dérive et même des formes de violence. Et Barthes aussi ne manque pas, par exemple, de critiquer Foucault dans la préparation du roman par son rejet de la littérature, par son espèce de voilà de nouvelles tendances. Deleuze est beaucoup plus bon, comme Deleuze est moins sévère, mais tout le monde, il comprend absolument rien à ce que fait Foucault au même moment. Il comprend pas pourquoi tout d'un coup le pouvoir n'est plus négatif, pourquoi le pouvoir n'est pas répressif. Ça lui est absolument, c'est du chinois pour lui. Et donc, que Foucault soit du chinois pour Deleuze, ça ne donne pas que Barthes soit du chinois pour Foucault, etc. Chacun. Et Lacan devient du chinois pour Foucault, qui ne comprend plus rien, qui fait que Lacan, pour lui, est devenu quelque chose complètement inaudible, incompréhensible. Donc je crois que plus personne ne se comprend. Et donc, alors pour Barthes, c'est en effet le sentimentalisme qui est le prétexte à cette mécompréhension, mais partout, on sait de se comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à l'issue de cette lecture, et même si on lit des fragments, même si on ne lit pas du début à la fin, puisque c'est tout à fait un livre qu'on peut lire en piochant de ci, de là, tout à fait. On en retire quand même le sentiment que le sujet qui parle, reste à savoir qui c'est, c'était un amoureux qui parle et qui dit, nous dit Barthes, voilà. Au fond n'arrive pas à aimer. Il souffre, mais c'est comme s'il n'arrivait pas à dépasser l'obstacle premier qui surgit souvent au tout début de l'amour, dans la passion, dans la douleur, pour arriver à une forme d'amour plein et entier et pleinement vécu. Je dirais que le drame, entre guillemets, la tragédie au fond du sujet amoureux barthésien, c'est qu'il aime l'amour plus que l'autre. C'est ça, comme Roméo. Et donc, voilà. Et donc, il y a quelque chose de... voilà, c'est pour ça que je parlais de, je disais que c'était un peu un monstre, le sujet amoureux barthésien, celui qui, en effet, comparé au bébé qui tête sa mère, qui est donc typiquement le monstre, l'espèce de vampire, il y avait chez Barthes quelque chose comme ça. Il y avait chez Barthes quelque chose de très, comment, que là, cette fois-ci, même comme personne. Quelque chose d'une forme d'autisme, en quelque sorte, de très grande séparation avec le monde et avec les autres. Et donc, une forme de très grande puissance intérieure, un imaginaire extraordinairement intense et fort. Mais en effet, une relation à autrui qui était très difficile. Et effectivement, je crois que c'était, bon, il a vécu toute sa vie avec sa mère, en fait. Oui, pratiquement. Qui est mort 3 ans avant lui, C'est ça, exactement. Donc, il y avait quelque chose d'une difficulté par rapport à autrui. Et au fond, voilà, il y a une forme de meurtre de l'être aimé dans le discours amoureux. De meurtre, carrément. Ouais. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que la fin est très belle. Oui. Parce qu'il y a une forme de sagesse, le non-vouloir saisir. Je crois que Barthes est conscient, au fond, que son propre désir amoureux a quelque chose de monstrueux, quelque chose de terrible, une forme d'altruicide, une forme de... Voilà. Et que donc, pour résoudre ça, la seule solution, eh bien, c'est d'accepter le non-vouloir saisir. Le non-vouloir saisir. C'est-à-dire, voilà, d'accepter que, évidemment, le rapport à l'autre ne soit pas un rapport d'appropriation, de propriété. C'est le titre du dernier fragment, qui est vouloir saisir, non-vouloir saisir. Au fond, le sujet comprend qu'il faut qu'il accède à cette situation un petit peu... le zen, et donc cette situation où on suspend la pulsion d'emprise. On suspend la pulsion d'emprise, ce que il comprend qu'au fond, l'argument c'est, comprenant que les difficultés de la relation amoureuse viennent de ce qu'il veut sans cesse s'approprier d'une manière ou d'une autre l'être aimé, le sujet prend la décision d'abandonner dorénavant tout vouloir saisir à son égard. Donc de suspendre la pulsion d'emprise. Et c'est cette sagesse finale qui, au fond, délivre Barthes de ce qu'il y a, en effet, que vous remarquez, en effet, de difficultés par rapport à l'autre, d'absence de possibilité, au fond, qu'il y ait cette possession réciproque. Et donc, du coup, c'est dans ce que Barthes appelle le NVS, le non-vouloir saisir, NVS, ce NVS qui est une manière de suspendre, en quelque sorte, cette pulsion d'emprise qui est là. Et ce faisant, il ne parle plus, il n'écrit plus, il dit « je t'aime » dans ma tête, mais je l'emprisonne derrière mes lèvres. C'est je ça. Dis silencieusement à qui n'est plus ou n'est pas encore l'autre, je me retiens de vous aimer. Oui, c'est très beau, c'est vraiment très beau. C'est au fond le sujet amoureux mange ses propres paroles, enfin, dévore ses propres mots. Et ça reste donc une sorte de puissance intérieure et qui ne se donnera plus, qui ne se répandra plus. Mais évidemment, cette position de non vouloir saisir est impossible. Donc elle est une, je dirais, une issue provisoire. Elle est une sorte de sagesse, de neutre, hein, de neutre qui ouvre l'espoir d'une solution, mais qui est évidemment est prise dans la tumultueuse vie du sujet amoureux et qui sera balayée peut-être demain par de nouveau le système de violence et de désir. Eh bien, ça nous permettra de tenir jusqu'à demain, justement. Merci beaucoup, Éric Marty. Merci voilà. Infiniment pour, ben, merci beaucoup, Adèle. Pour cet échange ce matin. Je sais que ce n'est pas commode de le faire à distance. Non, en tout cas, ça donne... Ça s'est bien passé. Bien envie voilà. De continuer à lire les fragments d'un discours amoureux. Je renvoie à votre bibliographie. Vous avez beaucoup écrit sur Roland Barthes. On mettra tout en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et puisque l'amour est attente, on ne peut pas le presser, cet amour. C'est ce que chante Diana Ross et The Supremes. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi oublie-t-on le social ? Il arrive parfois, dans certaines situations individuelles ou collectives, au lendemain d'une élection politique, par exemple, un jour de manifestation, comme au début du mois de mai. Il arrive aussi dans certaines circonstances individuelles, dans certaines rencontres qui nous font sortir de notre milieu social habituel, par exemple, dans ces situations qu'on appelait autrefois de brassage. Le service national militaire en était un exemple, où l'on rencontrait des gens très différents. Il arrive parfois que l'on s'étonne, que l'on s'exclame, et que l'on se dise, mais quand même, la société est un peu compliquée. Le social, cela existe. Il y a des différences profondes, épaisses pour ainsi dire, entre les gens. Comment avions-nous pu l'oublier ? La société nous traverse, la société est faite de différences et parfois de conflits, et nous avons tendance à l'oublier. Pourquoi donc cet oubli de la dimension sociale de nos vies? Il ne s'agit pas ici de la reprocher à tel ou tel individu qui serait plus ou moins négligent, plus ou moins individualiste, plus ou moins égoïste par rapport à d'autres, qui seraient plus conscients de la dimension sociale, de leurs actions, de leurs responsabilités envers les autres et envers la société. Il ne s'agit pas ici d'un jugement moral sur cet oubli de la dimension sociale de nos vies. Il s'agit de comprendre pourquoi cet oubli du social à lui-même quelque chose de social. Pourquoi il est en quelque sorte structurel? Pourquoi les sciences sociales, notamment, nous expliquent l'oubli même du social dans une dimension profonde de nos vies qui pourtant passe dans quelque chose comme l'inconscient, le social étant peut-être une des grandes dimensions de notre inconscient, comme il y a un inconscient psychique et peut-être aussi un inconscient vital. Mais pourquoi donc cet oubli structurel du social? La réponse est simple, c'est que quand le social fonctionne bien, quand la dimension sociale de nos vies fonctionne bien, eh bien justement, elle se masque à nos yeux, elle vise à constituer quelque chose comme un individu qui oublie ses propres conditions d'existence. Le social donc, qui est pourtant toujours présent, qui est une condition de nos vies, jusque dans l'interdépendance du nourrisson à la naissance, qui a besoin du secours d'autrui, qui s'inscrit dans un cadre collectif, dans des institutions qui lui permettent tout simplement de survivre. Le succès même de cette prise en charge sociale de l'individu fait qu'il arrive à l'individualité même et qu'il oublie ses conditions de possibilité, ses propres conditions de possibilité. Et de même, le social qui se masque derrière l'individuel devient aussi quelque chose de naturel, quelque chose d'évident, alors même qu'il est toujours différent et au fond toujours historique. Derrière le social, il y a aussi une histoire. Quand on est un citoyen français ou chinois ou russe, on participe d'une histoire qui se masque et on vit sa propre culture comme quelque chose de naturel et d'évident, d'éternel, d'essentiel, et on oublie cette dimension sociale. Toutes les sciences sociales, et quels que soient les choix politiques des uns et des autres, visent donc à faire émerger ces dimensions sociales de nos êtres, non pas pour les annuler, non pas pour tout expliquer et encore moins pour tout excuser, comme certains le reprochent à l'explication sociale, pas du tout, mais au contraire pour comprendre comment, dans cette dimension sociale profonde, se vivent en effet des injustices, se vivent des différences, mais aussi émergent des individualités dont chacun aura son rapport au social, un rapport en effet parfois égoïste, un rapport parfois de conscience collective, un rapport en tout cas qui ne peut pas être totalement inconscient, parce que lorsqu'il revient, c'est parfois pour le pire. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff en compagnie de Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. À la lecture des textes pour l'occasion, c'est Denis Podalydès avec quelques textes de Fabrice Lucchini qu'il avait déjà enregistré autour de ce texte. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. On se retrouve demain pour la suite de notre série. Demain, on sera en compagnie de Tiphaine Samoyau. Et après Attente aujourd'hui, demain, ce sera Je t'aime. Et vous verrez, il n'y a pas que de l'amour dans Je t'aime. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez glaçant, mais aussi bouleversant. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission